com o professor Afonso Costa. Muito bem, já iremos continuar a nossa conversa para já. Lembro que passam 28 minutos do meio-dia. Fico por aí. Até já. No ecrã, no papel ou na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós. À terça-feira, às 10h40 da manhã, às 5h20 da tarde e às 10h30 da noite. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13. Vamos às temperaturas para o continente americano para este domingo. Máximas 30 para São Paulo, 5 para Nova York, 15 para Los Angeles, para Vancouver 8, Toronto 4, Rio de Janeiro 27, New Bedford com máxima de 5, Caracas 23, 37 para Buenos Aires, Havana 27 e para Newark a máxima prevista para hoje é de 5 graus. Arc-en-ciel. Bonjour, ça vous tout, il est tout pile bien 13h30. Voilà donc, comme tous les dimanches, tout simplement, et bien l'heure de vous retrouver pour l'accordéon. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée, et puis ainsi que vous allez suivre tout simplement d'une bonne après-midi. Voilà, on voit très bien que le froid arrive doucement, mais la musique est toujours là pour vous réchauffer tout simplement. Voilà, donc bien le mieux, c'est de rester avec la musique. Voilà donc bien, sans plus tarder, on continue bien sûr avec l'accordéon, avec André Lop. Et puis juste après, André Rock avec Marche. C'est aussi ça. C'est une radio arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. sonos débiles, les claviers ou les synthés. La musique est si docile, un vrai clin d'œil au passé. L'as-tu bien vu le moulin de Fontvieille, les lettres que d'ODI a laissées. L'ouvre du ciel, le sourire d'une belle, voilà les trésors que tu peux garder. La farandole qui nous affole, sont des fifres et des tambourins. C'est une ronde qui nous inonde pour passer ce soucier du lendemain. Thank you. aujourd'hui, c'est le baladé. Pas question pour moi de le manquer. On vient de très loin pour voir l'orchestre. C'est un plaisir de danser. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, bienvenue du côté des Vosges avec tout simplement Daniel Pali avec le banane d'Ordivien et juste après, ce sera Arnaud Lavagne.

rassemble l'amour. Je le chanterai toujours, toujours. Le marisson de l'amour, c'est votre amour, trésor, mon amour. Oublions nos soucis et restons des amis. C'est aussi ça.

viens par là, tous dans l'arène, suis-moi, puisque tu m'aimes, elle est là, pour toi et moi, car là, tu les problèmes ne soient pas de ceux qui prennent, car là, c'est la bohème de mon entier à adopter. C'est pour s'amuser sur la plage, nous danser toute la soirée, c'est vraiment bon pour tous les âges, il ne reste plus qu'à danser. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Bon, voici donc bien Michel Prouveau avec la marche du festival et puis juste après l'Auvergnate.

je le chanterai toujours, toujours, le malissant de l'amour. C'est pour toi mon trésor, mon amour, au Léon, le saucer, et pensons à l'ami. Le malissant de l'amour, je le chanterai toujours, toujours, le malissant de l'amour. C'est pour toi mon trésor, mon amour, au Léon, le saucer, et restons des amis. C'est fini la nuit. Quand j'y pense aujourd'hui, je suis seul dans mon lit. T'aurais, t'aurais, t'aurais pas de tâté, chérie. Ah, t'aurais dû réfléchir, parler. T'aurais pas dû, ouais, courir aussi. Après tout, c'est fini. Je le chanterai toujours, toujours, le malissant de l'amour. C'est pour toi mon trésor, mon amour, au Léon, nos soucis, et restons des amis. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Voici donc le titre, qui s'appelle Ritmo Serenade.

était si belle et si bonne, son image reste dans nos cœurs. Cherchant des solutions, la mort l'emportant dans sa ronde, ni fera ses bonnes intentions. Elle était née dans la noblesse, on ne choisit pas son destin, mais son cœur. Éduquer ses enfants. Sa vie qui ne fut qu'éphémère restera gravée dans les temps. Elle était née dans la noblesse, on ne choisit pas son destin, mais son cœur. Semblait lui donner le bonheur. Elle avait trouvé sur son chemin celui qui semblait l'âme sœur. Elle sacrifia sa jeunesse, oubliant l'orgueil et l'argent. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je pense pour donner terre une batatinha, une semilha. Eu até aconselho a pôr mais que ama. E quando a semilha está cozida, também o sangue está cozido. E eu digo que é pôr mais que ama porque a semilha cozida ali, acredito que é bastante, bastante saborosa. Bom, e a partir daqui começam logo, enquanto uns estão a preparar o dentinho E há alguns, talvez, aqueles que ajudaram. Há quem não goste, de facto, o aspecto não é o mais agradável. De qualquer modo, o sabor é um sabor muito, muito bom. Não, não faz muito bem à saúde. A questão de não fazer bem, tudo o que nós comemos, ingerimos, tem que ser com conta, peso e medida. De maneira que, se nós não enchermos, não nos empaturrarmos com sangue, também comer um pedacinho de certeza. Certeza que não nos vai fazer mal. Já os torresmos, que também são bons, mas aí já a contenção já tem de ser mais. Já tem que ser outra, e cuidado com os dentes, porque sabe que os torresmos já às vezes partem muitos dentes por aí, principalmente àquelas pessoas que já fizeram tratamento de canal, e eu aconselho a ter muito cuidado ao trincarem o torresmo, porque o couro fica tão rijo que o dente, estando algo fragilizado, pode entrar em despesa. Exatamente. Ao partir o torresmo, também partem os dentes. Também partem os dentes. Mas o torresmo já é uma função do dia seguinte. Não é porque tradicionalmente o animal, uma vez morto, a carcaça tem que descansar de um dia para o outro, para a carne adquirir outra rigidez e ser mais fácil de trabalhar. Mas ainda no dia da matança, há vários rituais que têm que ser mantidos. Ou seja, enquanto eles estão a tratar do petisco já para alguém ir comendo, já alguém, hoje em dia fazem-no com uma serica, já ninguém usa mato, quer dizer, se alguém o faz é por uma questão de manter a tradição genuinamente, de forma genuína, mas já começa com uma serica a queimar o colato, sim. Sim, o colato para raspar e tirar o couro. E manda a tradição que quando o animal é voltado, porque ele está estendido, é caminhado de um lado, tem que ser voltado para o outro, para ser caminhado do outro. Manda a tradição que ao voltar o porco, seja servido um copo de vinho a todos aqueles que estão a trabalhar na função. Mas, como eu estava a dizer, é um dia de grande trabalho, atenção, é um dia de grande trabalho, mas é um momento de alegria, porque as pessoas normalmente têm sempre gente convidada, quer no dia da matança,